La Bastarda, scène de la vie sicilienne, par Paul de Musset. Chapitre 1er. Un matin, pendant mon séjour à Palerme, l'affiche du théâtre Ferdinando annonça la première représentation dans cette ville de Lillo Bergamasco, drame pathétique tiré d'une nouvelle du célèbre Onorato di Balzac, le plus accrédité de tous les romanciers français. Auquel de ses nombreux romans était emprunté ce personnage de Vito de Bergame, c'est, je l'avoue, ce que je ne suis point deviné. Je dînais ce jour-là chez le prince P. avec trois autres personnes. En sortant de table, nous prenions le café dans le jardin, et je cherchais un prétexte de m'esquiver pour aller au théâtre Ferdinando, lorsque notre amphitryon nous proposa de nous y conduire. La compagnie comique se composait des plus médiocres sujets de la troupe des Fiorentini de Naples, et il se trouva que la pièce, du genre larmoyant, était mortellement ennuyeuse, ce dont le romancier français demeure fort innocent. À la fin du second acte, le prince, voyant que je m'endormais, vint me dire à l'oreille « Ceci tourne mal, prenez votre chapeau et allez vous divertir ailleurs. » « Je n'osais vous demander ma liberté, » répondis-je, « mais cette heure que pourrais-je en faire ?»« À Palerme, » reprit le prince, « l'heure est toujours favorable à qui cherche aventure. Si vous êtes curieux des mœurs de notre pays, je vous avertis qu'on n'y songe qu'à l'amour et au plaisir. Occupez-vous des femmes, fréquentez les jeunes gens, et je vous garantis une abondante récolte d'historiettes. Surtout vivez la nuit, sans cela vous ne verrez rien de ce qui se passe. » « Où faut-il aller ? » répondis-je. « Un étranger a besoin d'un pilote. » Nous le trouverons sans peine. Suivez-moi, je vous mettrai en bonne main. » On venait de baisser la toile. Le prince aborda dans le couloir des premières loges un jeune homme d'une figure charmante, auquel il dit trois mots que je n'entendis pas, et puis il s'éloigna en me souhaitant beaucoup de plaisir. « Nous avons, me dit le jeune homme, plus d'un pilote capable de bien diriger votre seigneurie. J'ai aperçu tout à l'heure au parterre l'homme qu'il lui faut. » Dans le couloir du Pian Terreno, mon guide frappa sur l'épaule d'un beau garçon de 35 ans, d'une encolure athlétique, et lui répéta la phrase du prince P. que je n'avais pas entendue. L'Hercule sicilien m'adressa un sourire de courtoisie, et fixant sur mon compagnon ses grands yeux d'un bleu de mer, il fit avec les paupières et les muscles du visage trois ou quatre petites grimaces, qui apparemment exprimaient quantité de choses, car le jeune homme lui répondit « Certainement, et tout ce que tu pourras encore imaginer pour faire passer à questo signore une bonne nuit sicilienne. Tu es prié seulement de le ramener chez lui demain sain et sauf avec ses quatre membres sans plaies ni contusions. » « Nous tâcherons, » répondit l'athlète, « d'obéir fidèlement aux ordres du prince. »« À présent, » me dit le jeune homme, « permettez-moi de vous présenter mon ami, Don Cornelio, surnommé le corsaire Dragut, homme du monde ou du peuple selon l'occasion, expert en toutes sortes de métiers, matelot, pêcheur, chasseur, cocher, maniant aussi bien l'épée que la fourchette, enjôleur de jolies filles comme un maltais, doué d'une force peu commune et plus doux qu'un agneau. Lorsque la colère, la rancune, la jalousie ou aucune autre maladie quelconque ne règne dans son âme, ouverte à toutes les passions comme un hangar à tous les vents. « Ne croyez pas qu'il me flatte, » interrompit le seigneur Cornelio. « Il oublie la moitié de mes mérites. » « Un si brave compagnon, » reprit le jeune homme, « sera donné de l'occupation à votre seigneurie, et si j'apprends que la partie de plaisir vous a mené au sommet de l'Etna ou sur la côte de Tunis, je ne m'en étonnerai pas. » « Je suis préparé à tout événement, » répondis-je. « Sur ce, je souhaite bonne chance à vos seigneuries. Je les accompagnerai volontiers si je n'étais retenu au théâtre par un devoir de famille. » Le jeune homme se rendit où l'appelait son devoir, et le signor Cornelio me prit le bras d'un air plutôt amical que familier. En sortant du théâtre Ferdinando, nous traversâmes la place Marina. « Je sais, » me dit mon guide, « que vous employez souvent en français une expression que je condamne, tuer le temps, comme si le temps avait besoin d'être aidé pour mourir. Nous autres palermitains, nous en connaissons mieux le prix. Au lieu de le tuer, nous l'amusons, nous l'enivrons, si bien qu'il ne bat que d'une aile, et nous nous attachons à sa robe, comme la putifare au manteau de Joseph. L'on m'a dit aussi qu'à Paris il n'y avait point de plaisir possible sans les trois grands moyens que le maréchal de Trivuls demandait pour faire la guerre. De l'argent et de l'argent. Payer le vin qu'on boit et les vivres qu'on mange, cela se doit en tout pays. Mais acheter à ses convives la permission de les régaler, payer jusqu'au sourire et au regard des femmes, filles, c'est tuer le plaisir et non le temps. Je vous montrerai ce soir comment on forme une joyeuse tablée de 6 personnes, presque sans bourse déliée. Je dis 6 personnes parce que nous allons inviter 4 paires de beaux yeux, de peur d'en manquer. Vous estimerez ensuite ce que pareil festin coûterait à Paris. Tant pour la jeunesse, tant pour les grâces, tant pour la gaieté. Nous ne porterons pas l'appétit en ligne de compte. Le seigneur Cornelio interrompit son discours pour entrer dans la boutique d'un rôtisseur et donna l'ordre à un petit garçon d'aller chercher monsieur. C'est ainsi qu'on appelle encore à Palerme les cuisiniers et les coiffeurs, ces 2 professions ayant été pendant tout le siècle dernier le privilège exclusif des Français. Le patron arriva bientôt, et mon guide engagea avec lui un de ces dialogues par signes usités dans toute transaction commerciale entre Siciliens. L'acheteur désigna de l'index une volaille, ce qui signifiait « Combien vaut cette pièce ?» Le rôtisseur leva le pouce en l'air pour répondre « 1 ducat ». Le chalon leva le petit doigt, ce qui voulait dire « Je vous en offre la moitié ». Monsieur regarda le plafond pour exprimer que c'était impossible. Don Cornelio tourna la tête vers la porte. C'était exactement comme s'il lui dit « Je vais m'en aller ». Le marchand fit un haussement d'épaule équivalent à cette réponse « Eh bien, j'y consens, quoi que ce soit pour rien. » Le petit marmiton qui observait cette pantomime avait déjà déposé la volaille dans une corbeille pour la porter à domicile. Le seigneur Cornelio paya 1/2 ducat et sortit avec moi sans avoir prononcé une parole. Il me conduisit ensuite dans une trattoria où il commanda pour 11 heures précises un plat de poisson, une salade de légumes et beaucoup de fraises. 3 mots et quelques signes lui suffirent à conclure cette grande affaire. « C'est assez, me dit-il, pour un souper impromptu. Occupons-nous maintenant du choix des convives. Nous trouverons près d'ici une des plus jolies demoiselles du comptoir de tout Palerme. Afin qu'on ne nous soupçonne pas de préméditation, vous marchanderez quelque chose, comme une cravate ou un foulard. 10 heures vont sonner. On remettra le marché à demain. Je déteste les dépenses inutiles. » Nous entrâmes dans un petit magasin de soierie. Tandis que la padrona me montrait des cravates, Don Cornelio s'approcha d'une jeune fille remarquablement belle et, quittant le langage télégraphique, il se mit à chuchoter avec une volubilité prodigieuse. La demoiselle paraissait indécise. « Seigneur Cornelio, dit la padrona, qui avait l'oreille fine, cela ne se peut pas. « Zulina est une fille sage. Elle n'ira pas souper chez un garçon, à moins d'être sûre qu'elle y trouvera de la compagnie. Et encore, il faudrait savoir quelles seront les autres personnes invitées. »« Je vous attendais là, » répondit Cornelio. « Nous avons déjà 3 dames. Premièrement, la signora Stefanina de Messine, renommée pour son extrême prudence. Secondement, Rosina, la petite catanaise que vous connaissez bien. Enfin, la maîtrise du marquis X, celle que nous appelons Philidi, parce que ses vertus ont été célébrées en vers. Ce seigneur français, en sa qualité de témoin, peut certifier la vérité de mes paroles. » Mon silence passa pour une attestation. « Mais, dit la jeune fille, croyez-vous que la signora Philidi voudra souper avec moi ?»« Pourquoi donc pas ?» demanda Don Cornelio. « Elle achète des robes, vous en vendez. Est-ce une raison de ne point s'asseoir à la même table ?» Le marquis est fier. « Il n'en saura rien. » Et d'ailleurs Philidie ne lui ressemble pas. Comme dit le proverbe, autre chose pense le mulet que celui qu'il monte. « Taisez-vous, Dragouto, » dit la padrona en riant, « vous êtes un mauvais sujet. Et qui aurez-vous en homme ?»« Un seul, ce seigneur français. Il s'ennuyait au théâtre, et le prince P m'a chargé de le divertir un peu. »« Oh, c'est différent. » »« Fort différent. L'évidence vous frappe. Puis-je compter sur vous, belle Zulina ?»« Absolument. » répondit la jeune fille avec abandon. « Brava, courons à nos préparatifs. »« Un moment, » dis-je. « Le plaisir après les affaires, je suis venu pour acheter une cravate. »« Il est trop tard, » répondit la padrona. « 10 heures viennent de sonner. Pour rien au monde, je ne ferai un marché de nuit. » Don Cornelio me conduisit dans une rue voisine de la place Pretoria et frappa doucement à une petite porte. « Ici demeure, » me dit-il tout bas, « la Vénus de Messine. » C'est une personne très silencieuse, très rêveuse, pendant le jour seulement, qui ne sort pas sans être accompagnée d'une vieille femme de chambre et qui ne lève jamais les yeux, même à l'église. mais cette prudence extrême n'est qu'un maintien, et une fois le soleil couché, la dame ne baisse plus autant ses longues paupières. Si nous pouvons gagner la suivante, nous aurons la princesse qui l'honore de sa confiance. » Une vieille au long nez, coiffée d'une capuce, vint présenter son visage maigre dans l'ouverture de la porte qu'elle tenait entrebâillée comme pour en défendre le passage. La lueur de sa chandelle, qui l'éclairait de bas en haut, marquait ses rides en très profond. Gérard de la Nuit eût volontiers donné cette figure austère à la duègne qui mena Judith jusqu'à la tente d'Holoferne. Après de longs chuchotements, Cornelio toucha probablement une corde sensible, car la vieille mit de côté sa sévérité d'emprunt et s'épanouit tout à coup. « Attendez-moi là, » dit-elle, « je vous ferai savoir la réponse par la fenêtre. » Au bout de 5 minutes, comme rien ne bougeait dans la maison, je fis part à mon compagnon de mes doutes sur le succès de l'ambassade. « Au contraire, me dit-il, ce silence est de bon augure. Ne faut-il pas sauver les apparences? Quel air aurait-on si un mot suffisait pour écarter les scrupules? Les murs de Jéricho ne se sont pas écroulés dès la première note des trompettes. Un nom est toujours plus vite prononcé qu'un oui. » En effet, la duègne se montra au balcon et laissa tomber cette réponse solennelle. « Vous avez vaincu, généreux Dragud. La signora accepte. N'oubliez pas le ditale que vous m'aviez promis. Il paraît, dis-je, que vous avez employé les grands moyens de séduction. » Les moyens extrêmes, répondit le seigneur Dragut. Cette maudite sorcière exploite à son profit la réserve de sa maîtresse. Elle n'aurait pas même transmis mon invitation si je ne lui eusse promis un dé à coudre en argent. Laissez-moi le soin de chercher ce rare bijou dans l'orfèvrerie de Palerme. Mon guide me fit parcourir plusieurs petites rues et s'arrêta devant une maison haute. Il tira fortement une longue ficelle qui descendait du 3e étage. Aussitôt une fenêtre s'ouvrit, et j'entendis une voix fraîche demander « Qui est ?» Après avoir déclamé ses noms et qualités, Don Cornelio formula son invitation. À chacune de ses propositions, la voix fraîche répondit par un « Gia » nettement articulé, et puis la fenêtre se referma. « Et de trois ?» me dit Cornelio. Celle-ci n'a jamais su dire non. Vous aurez le plaisir de voir une petite catanaise dont le costume de son pays est gai comme une linotte. Tâchons à présent d'aborder la grande dame, l'illustre Philidée. Nous étions rentrés dans le beau quartier. Avant d'arriver à la rue de Tolède, Don Cornelio me montra du doigt une fenêtre ouverte et éclairée au 1er étage d'une petite maison. Il s'arrêta sous le balcon et fit un pst imperceptible. La silhouette d'une femme grande et svelte se dessina subitement sur le cadre lumineux de la fenêtre. « Je suis Dragut, » dit Cornelio, « et je viens vous proposer un souper suivi d'une promenade en barque et d'une excursion à la campagne. »« Hélas, » répondit la dame, « je ne puis pas sortir, mon bon Dragut. Est-ce que vous avez votre jaloux? Le marquis est à sa villa. Il n'en reviendra que demain matin, mais il m'a enfermé. »« Quelle horreur ! » s'écria Cornelio. « Mettre sous clé une femme comme vous, et vous endurer ses façons espagnoles, voilà comment on encourage la tyrannie. »« Oh, je me vengerai, » dit la belle prisonnière. « N'attendez pas à demain, » reprit Cornelio. « Vengez-vous à l'instant même. La porte de votre appartement n'est-elle pas à 2 battants? Ouvrez les verrous et tirez des 2 mains. »« J'ai déjà essayé, » répondit la dame, « et je n'ai réussi qu'à m'écorcher les doigts. » Eh bien, attachez à ce balcon une corde ou un drap de lit, et j'irai vous délivrer. Dussé-je faire sauter la serrure et la gâche? » Philidée rentra dans la chambre. Nous l'entendîmes ouvrir et refermer plusieurs armoires. Elle revint bientôt munie d'une grosse corde qu'elle noua fortement à la rampe de fer. Cornelio saisit le bout de la corde et monta lestement à la façon des matelots. En un moment, il fut sur le balcon. 3 secousses, suivies d'un fracas à ébranler la maison, m'apprirent que les fractions avaient réussi. La lumière s'éteignit, et je vis arriver Cornelio donnant le bras à une figure blanche encapuchonnée dans un châle de mousseline de laine. « L'infante est délivrée, » dit le seigneur Dragut. « Belle Philidée, réfugiez-vous chez moi, tandis que nous irons au café commander des glaces. » La dame fit un rire mélodieux et partit en courant. Mon guide me conduisit dans un café de la rue Cassaro. 2 énormes chauves-souris voltigeaient autour du lustre sans que personne n'y prît garde. « Après avoir enlevé la colombe, » me dit Cornelio, « il serait bon de la remplacer par une chauve-souris. Gageons que vous ne savez pas comment se pratique la chasse au pipistrello. Pour abattre l'animal, il suffit d'effleurer le bout de ses ailes, car le moindre choc lui fait perdre l'équilibre. La difficulté est de le toucher, vu l'agilité singulière avec laquelle il évite tout objet qui vient à sa rencontre. Mais il ne part pas aussi bien le coup qui lui arrive par derrière. Observez la manœuvre. Cornelio monta sur une chaise et fit tourner sa canne avec une vitesse croissante, de manière à poursuivre une des chauves-souris pendant l'espace d'un quart de cercle à chacune de ses évolutions. Vers le cinquième ou sixième tour, la vitesse de la canne surpassa celle du vol et le pauvre pipistrello, légèrement touché, tomba sur le plancher. Il avait plus d'un pied d'envergure. Le chasseur acheva sa victime et l'ensevelit dans un numéro de la Gazette des Deux Siciles. Tout à l'heure, me dit-il avec une joie d'écolier, j'enverrai le mousse de mon Iacchetto, yacht, clouer ce monstre fantastique sur la porte du marquis, afin qu'il reconnaisse les traces de Dragut. Le pauvre homme se couvre de ridicule en voulant jouer le personnage de jaloux sans amour. La jalousie est chose sérieuse, et je lui apprendrai à la respecter. Nous sortîmes du café suivis d'un garçon portant sur sa tête une pyramide de glace à tutti frutti. Don Cornelio occupait dans la rue Nuova le second étage d'un véritable palais. Son appartement eût été fort beau si la pénurie des meubles n'en eût fait ressortir la grandeur démesurée. Dans le salon, un charmant tableau de Nobelli, représentant la Vierge et Sainte Élisabeth, avait pour pendant un trophée d'ustensiles de marine et de pêche. La belle Zulina et la signora Filidi, assis sur un canapé recouvert en crin, causaient ensemble sur le pied de l'égalité la plus parfaite. Le mousse, que ces dames avaient réveillé, s'était affublé d'une veste à galons et mettait le couvert dans la salle à manger. Le coup de sonnette retentissant annonça l'arrivée de la catanaise. C'était une gracieuse figure mauresque. Sa bouche, toujours entr'ouverte, avait une expression de gaieté sauvage, et ses yeux, fondus jusqu'aux tempes, se braquaient sur les gens avec une fermeté naïve qui ne ressemblait point à de l'effronterie. La Rosina commença par jeter sur une chaise la toppa de soie noire qui l'enveloppait des pieds à la tête. Elle raconta ensuite, avec une vivacité incroyable, comment elle s'était échappée pour venir au rendez-vous. De temps à autre, voyant que j'avais quelque peine à suivre le fil de son récit, elle poussait Don Cornelio par l'épaule en lui disant « Spiegue ». Mais dans l'explication, je ne retrouvais plus la verve piquante de l'original. L'entrée de la majestueuse messinienne répandit une froideur qui dura jusqu'au moment où le mousse en livrée vint dire que le souper était servi. On passa dans une salle à manger en rotonde. Afin de briser la glace, notre hôte s'écria en dépliant sa serviette « Allegri !»« Allegri !» répétèrent les convives. Et au bout d'un quart d'heure, tout le monde parlait à la fois, Cornelio et moi en toscan, et les dames en sicilien, le plus gracieux de tous les dialectes. À l'exception de l'espiègle Rosina, j'aurais pu prendre mes voisines pour de véritables infantes, tant elles avaient d'aisance et de dignité naturelle. Sans affecter une pruderie que la circonstance n'exigeait point, elles eurent le bon goût de rappeler à l'ordre le seigneur Dragut lorsqu'il voulut s'émanciper dans ses propos. Elle faisait éloquemment l'éloge des morceaux en mangeant beaucoup, mais il peut exister des princesses gourmandes. Notre hôte, qui avait tiré de sa cave d'excellent marsala et du vin muscat de Syracuse, ne buvait que de l'eau, et comme je lui reprochais de ne point faire honneur aux précieux produits de la Sicile, « Le marsala et moi, répondit-il, nous sommes ennemis mortels. »« J'en suis fâché, dis-je. Il m'a préservé du mal de mer sur les bateaux à vapeur, et je voudrais vous réconcilier avec lui. » N'y songez pas. J'aimerais mieux avoir dans le corps une légion de diables qu'un seul verre de ce vin de feu. Il m'a joué un tour abominable que je ne lui pardonnerai jamais. Vous me raconterez cette aventure-là, seigneur Dragut ? Peut-être, répondit Cornelio en fronçant le sourcil. Il vous en racontera bien d'autres, dit la signora Filidi, car il a eu plus d'aventures que Jupiter. Qu'est-ce que Jupiter ? Demanda la catanaise. C'est, dit Cornelio, un prince païen qui eut 8 femmes légitimes et plusieurs centaines de maîtresses. Comme le roi Salomon, observa la belle mercière. Précisément, et soupçonné, comme ce grand roi, de s'être adonné à la magie. mais il alla plus loin que Salomon, un jour qu'il se changea lui-même en pluie d'or. « Vous vous moquez de moi, » dit la pauvre Rosina. « Patience, j'apprends à lire, et bientôt on ne pourra plus m'en faire accroire. » Lorsqu'on eut servi le dessert, la signora Filidi se mit à gazouiller les vers d'une romance pour engager notre hôte à chanter. Cornelio prit une guitare suspendue au mur, tourna sa chaise de côté en posant son pied droit sur son genou gauche et se mit à préluder en musicien consommé. Les dames lui demandèrent plusieurs morceaux dont il introduisit les ritournelles dans son improvisation. À la fin, il se décida pour une popolana qu'il entonna d'une belle voix de basse. Le chant, accompagné en sourdine, ressemblait à ces sérénades espagnoles qu'on appelle tiranas, parce que le mot tirana y revient souvent sous la forme d'une apostrophe que l'amant adresse à la dame de ses pensées. Celle-ci était une sorte de complainte d'un caractère mélancolique sur la mort d'une femme assassinée dans les mêmes circonstances que Françoise de Rimini. Le dernier couplet tirait de l'histoire tragique cette moralité à l'usage des Siciliens. Plaignez le pauvre jaloux. Comme un cheval échappé, sa folie le mène à l'aveugle au milieu des abîmes. Vivante, il croit détester sa maîtresse. Morte, il la pleure et n'a plus de repos. Ses fautes, sa fureur et son crime odieux, tout est l'œuvre de l'amour. L'amour commence dans les rires et la joie, souvent il finit dans les pleurs et le sang. Aimer est doux, trop aimer fait mourir. À ceux qui chanteront ces vers, l'auteur souhaite une fidèle amie. Cette complainte éveilla sans doute un souvenir pénible dans l'esprit de Cornelio, car sa voix s'altéra en chantant le dernier couplet. Je me promis de guetter le moment favorable pour lui demander la confidence de ses chagrins. Après la complainte, il nous fit entendre plusieurs romances moins sombres, et entre autres, la fameuse chanson « Vi vugiu fari ridiri », composée par un homme du peuple et dont les muletiers de la côte orientale m'avaient déjà régalé. « Par grâce, » dit Cornelio en quittant la table, « donnons-nous un peu de mouvement. Je propose une promenade en mer dans mon yacchetto. » Le petit mousse, qui était sorti pour faire son expédition de la chauve-souris, annonça que la brise soufflait du sud-ouest. « Profitons-en, » dit le patron. « Nous pourrons doubler le cap avant le lever du soleil et pêcher quelques poissons sur la côte de Solanto. » Les dames, coiffées seulement de leurs magnifiques cheveux, arrangèrent leurs châles en manière de capuchon, tandis que Cornelio s'habillait en marin. Le mousse, débarrassé de sa livrée, courut en avant pour éveiller le matelot du yacht. Un vent tiède, qui soufflait par légères rafales, promettait d'animer les voiles. Mais en apprenant qu'il ne serait contraire pour revenir, les dames témoignèrent de l'hésitation. D'importantes affaires les rappelaient à la ville de grand matin. Cornelio leva la difficulté en proposant d'envoyer un carrosse de place au village de Bagheria pour assurer leur tour à Palerme. Sur une petite place où se tenaient les fiacres, nous trouvâmes une seule voiture. Le cocher vint au-devant de nous, et Don Cornelio avait déjà conclu le marché lorsqu'il s'aperçut que le carrosse était une vieille berline fermée. « Notre contrat est nul, » dit-il, « je ne veux point d'une bastarde. »« Excellence, » répondit le cocher, « mes chevaux sont bons. »« Jamais, » s'écria Cornelio, « jamais je ne monterai dans une bastarda. On ne m'y reprendra plus. » Je lui demandai s'il craignait autant les voitures fermées que le vin de Marsala. « Plus encore, » me répondit-il, « et pour la même cause, je suis superstitieux. »« Excellence, » dit le cocher, « il fera frais ce matin, et vos dames gagneront des fluxions dans un carrosse découvert. »« Il a raison, » crièrent les dames, « nous voulons la bastarde. » »« Eh bien soit, » reprit Cornelio, « vous reviendrez en voiture et moi je resterai sur le yacht. » Le carrosse partit pour Bagheria, tandis que nous descendions vers le quai de Santa Lucia. Le yacchetto était un simple bateau de pêche, mais maté en fourche et ponté. Le matelot nous attendait. Je m'assis à l'avant, les dames se rangèrent au centre sur deux bancs, et le patron se mit à la barre pour gouverner lui-même. Après avoir couru quelques bordées, le yacht tourna devant la citadelle de la Garita. Il déploya ensuite toutes ses voiles et prit la direction de la pleine mer en se cabrant sur le dos des bagues. À la clarté de la lune, Palerme ressemblait à une ville orientale. La baie demi-circulaire à laquelle un dicton local a donné le nom de Conca d'Oro était devenue une coquille d'argent. Au bout de trois quarts d'heure, L'équipage exécuta une nouvelle manœuvre et le yacht se dirigea rapidement vers le cap Zafferano, dont l'aurore commençait à rougir le sommet. Avant de doubler la pointe, nous entendîmes de loin les cloches de plusieurs villages sonner l'Angélus et bientôt après, le ciel parut tout en feu. « Voici le moment, dit Cornelio, de pêcher des Laverti. » Le mousse apporta une grosse bobine montée en rouet et sur laquelle était roulé un cordeau qui se terminait par une masse de plomb. Don Cornelio jeta le plomb dans la mer en dévidant la bobine. De distance en distance, il attacha après le cordeau des lignes de crin garnies d'hameçons et d'appâts. Lorsqu'il eut ainsi lié une douzaine de lignes, le plomb, traîné par le yacht à une grande profondeur, fit vibrer le cordeau qui se mit à rendre un son plein comme celui d'un tuyau d'orgue. On aurait dit une voix humaine gémissant au milieu des vagues. Sans quitter le gouvernail, Don Cornelio posa un de ses doigts sur la corde. Presque aussitôt, il sentit une légère secousse et nous annonça qu'un poisson s'était pris à l'un des hameçons. En moins d'un quart d'heure, il eut compté 12 secousses pareilles. On retira le cordeau avec précaution et au bout de toutes les lignes, on trouva des lacerti de diverses grosseurs. Le divertissement de la pêche et le spectacle du soleil levant auraient fait plus de plaisir aux dames si un mouvement de roulis ne les eût incommodés depuis le passage du cap. Les visages devenaient pâles et la pétulante Rosina, immobile sous son domino noir, avait perdu l'usage de la parole. En ce moment, les devoirs qui rappelaient chacune d'elles à la ville revenaient tout à coup à l'esprit de nos compagnes de voyage. La signora Filidi voulait rentrer avant l'arrivée de son marquis jaloux. La belle mercière craignait de manquer l'ouverture de son magasin, et la grave messinienne se souvenait d'avoir invité à déjeuner une personne extrêmement respectable. Un changement dans les voiles nous fit cingler vers la côte, et le yacht aborda dans une petite anse où la route de Palerme à Termini rase le rivage de la mer. Nous arrivâmes vers 6 heures à Bagheria. Don Cornelio me prit le bras en entrant dans le village. « Ces dames, me dit-il en confidence, sont venues l'une après l'autre aux informations sur votre compte. Je vous ai fait dans leur estime une position admirable. Quant à la belle messinienne, qui entend malice à tout, elle vous soupçonne d'être un grand personnage déguisé en artiste. La recommandation du prince P et la marque de votre mouchoir qu'elle a observée ont confirmé ses soupçons. Elle vous a orné d'un des noms les plus illustres de la cour d'Autriche et de la Sainte Alliance. » La messinienne est une rusée qu'on ne trompe pas facilement. Un coup d'œil lui a suffi pour pénétrer ce profond secret, et je ne sais trop comment vous pourrez lui ôter cette chimère de l'esprit. « J'en ferai mon affaire, » répondis-je. « Elle verra bientôt que je ne gouverne aucun empire. » La voiture nous attendait sur la place du village. Ni les plaisanteries, ni les prières ne purent déterminer Don Cornelio à monter dans la bastarda. Et comme je lui témoignais mon grand désir de savoir la cause de ses superstitions, il me promit de me raconter son histoire si je consentais à revenir par mer avec lui. Les 4 donzelles étaient déjà dans la voiture. Malgré leurs œillades, j'acceptai la proposition de Cornelio. Mais avant de me séparer de la joyeuse compagnie, je m'approchai de la portière ouverte pour demander l'autorisation de rendre mes devoirs à chacune de ces dames en particulier. Outre les heures où l'on pouvait les trouver chez elles, toutes les 4 m'indiquèrent leur église paroissiale et la messe qu'elles y allaient entendre le dimanche. Zulina et Filidi ne manquaient jamais d'assister à la grand-messe au dôme. La messinienne, plus mystérieuse, se levait matin. C'était à la messe de 8 heures que ses amis venaient la chercher. La catanaise allait à Saint-Dominique pour écouter l'orgue, qui est le meilleur de la ville. Muni de ces renseignements, je dis adieu à toute la carrossée. Le cocher fouetta ses chevaux et la berline partit pour Palerme. La rosée du matin et l'air de la mer avaient imprégné nos habits d'une humidité désagréable. Cornelio me proposa d'entrer dans une locanda. Comme la salle d'honneur était basse et froide, nous allâmes à la cuisine. Tandis que le patron nous servait le café au lait de chèvre et le fromage blanc appelé ricotta, sa fille apporta une botte d'herbes sèches et de sarment encore garnie de ses feuilles. Afin d'entretenir le feu, elle jetait un à un les brins d'herbe et de vigne, et la flamme reproduisait en pétillant les formes de chaque plante. Quand je vis le seigneur Dragut ranimé par le feu et par la bienfaisante chaleur du café, je lui rappelai sa promesse de me raconter ses malheurs. Il bourra de tabac une pipe de terre brune représentant le masque de l'acteur Pasquino, et tout en fumant, il commença le récit qu'on va lire.